Au milieu du climat des célébrations solennelles du 105e anniversaire de naissance du président Kim Il-sung, fête la plus heureuse de la nation coréenne, la venue de Myung Magnifique a surgi dans le district du Palais du Soleil de Kumsusan, au lieu suprême du Chuseok. La venue de Myung, modèle et standard des avenues architecturales modernes et site féerique de l'ère du Parti du Travail de Corée, est le présent en but de la fidélité de l'armée et du peuple coréen pour le président Kim Il-sung et le général Kim Jong-il. Son inauguration a eu lieu solennellement le 13 avril en présence du dirigeant suprême du parti, de l'État et de l'armée Kim Jong-un, président du Parti du Travail de Corée, président du Comité des Affaires d'État de la République Populaire Démocratique de Corée et commandant suprême de l'Armée Populaire de Corée. Y étaient présents les cadres responsables du parti, de l'État et de l'armée comme Fang Byung-soo, Park Bong-joo et Choi Ryong-hae, les cadres du parti et des forces armées, les fonctionnaires des ministères et des établissements centraux, les délégués pour les célébrations du 105e anniversaire du président Kim Il-sung, les cadres militaires et civils, les commandants militaires, les cadres, les militaires et les membres des troupes de choc ayant participé aux travaux de construction, les cadres des organismes, usines et entreprises de la ville de Pyongyang, les scientifiques, enseignants, jeunes étudiants et citadins de la capitale. Y figuraient aussi les groupes de félicitations et délégations des Coréens de la diaspora, les compatriotes coréens d'outre-mer et le représentant à Pyongyang du Front démocratique national anti-impérialiste, les représentants diplomatiques de divers pays et des institutions internationales en Corée et leurs femmes, les attachés militaires et leurs femmes, ainsi que les hôtes étrangers. Le premier ministre Park Bong-joo a prononcé une allocution inaugurale comme ce qui suit. L'achèvement fructueux de l'avenue de Myung constitue un rapport éclatant de la victoire faite au grand leader par tous les militaires et civils coréens. Il s'agit en même temps de la célébration solennelle de la journée du soleil, fête suprême de la nation. L'avenue de Myung est un monument éternel de l'amour pour le peuple auquel le parti mère veut assurer au niveau suprême la meilleure civilisation. À la suite de la proclamation de la construction de l'avenue de Myung, le dirigeant suprême Kim Jong-un a conduit dynamiquement tous les processus de sa construction. L'avenue de Myung, symbole de la grande ère Kim Jong-un, est la création digne de l'époque de Mao Zedong, due à la force d'esprit inépuisable et à la capacité de se renforcer soi-même de l'armée et du peuple coréen, prêts à accomplir tout ordre du parti. Le dirigeant suprême Kim Jong-un a coupé le ruban inaugural avant de répondre tendrement de sa main aux acclamations enthousiastes des masses. La cérémonie finie, les responsables du parti, de l'État et de l'armée ont fait le tour de l'avenue avec les autres participants.